Mais on veut toujours voir, on veut toujours se comparer à l'autre, puis on fait ça toute notre vie. Puis nous autres, on est des Canadiens français, on est nés, nous autres, avec une toile de fromage sur la tête. On est réellement du socle. Parce qu'imagine-toi quand les Arabes arrivent ici, qui ont vécu des guerres, puis les Juifs qui ont vécu des holocaustes, puis les Hindous qui ont des problèmes de population, puis les Anglais qui ont conquis la terre, puis les Américains qui se pensent la fin du monde. Ils nous raident-tu quand ils arrivent ici? Ils disent, c'est donc merveilleux le Québec. Je comprends, c'est merveilleux. On est prêts à se faire enlever la laine sur le dos, puis leur donner la laine, la couper pour eux autres. Parce que on n'est pas capable de vivre notre individualité. Tous les étrangers qui arrivent ici, au Québec, ils disent, vous êtes tellement merveilleux. Ma femme, elle a fait venir des gens de France. Ils sont venus ici à Montréal, on les a traités aux petits oignons, on va les chercher à l'aéroport, on les met dans un motel, on leur donne des chauffeurs privés, on les suit pendant deux semaines, on les remet d'action, on leur donne leur cachet, puis ensuite ils s'en vont, on les amène en avion, puis ils s'en vont en France. Nous autres, on va en France, on rencontre du monde en France, puis pas du petit monde, là, des grands exégètes, puis on est dans la misère à se faire payer une tasse de café, colis. Comprends-tu? On est dans la misère à se faire payer une tasse de café! Ou bien on a le sens de l'hospitalité. Ils vont nous inviter chez eux, puis ils vont nous faire une petite tartine! Nous autres, c'est le gros beef steak chez Joe Steakhouse, puis tu sais, le bon Québécois! Bon, ça, c'est nos qualités, mais il faut pas que ça devienne des défauts. Comprends-tu? Je commence à en avoir le bol, là. Fait que si je vais en France, tabarnak, ouvrez-les vos caves de vin, hostie, puis donnez-moi les airs. Tu sais, vous dites, parce que moi, je vais rentrer dans la cave, puis je vais aller m'en chercher un. Comprends-tu? Puis je suis pas gêné. Ça va vous donner un choc. M'a dit, Chris, quand t'es venu au Québec, on t'en a donné du vin, on t'en a donné des gros steaks à 6 pouces, hein. Ben, ouvrez tes Chris de caves de vin, calice que je viens fâcher dans ce moment-là. Ouais. Laissez-moi sacrer, c'est bon. C'est un grand pays, ça. Il n'y a rien qu'un pays au monde où ça sacre. Christ qu'on sacre bien, ça. Tabarnak. J'ai dit à une Française, j'ai dit, quand vous êtes bien, bien, bien fâché, là, c'est quoi le maximum que vous êtes fâché, là? Comme moi, tabarnak, quand j'ai le faux cul, là, c'est calice. Puis elle me dit, au bordel de Dieu. J'ai dit, qu'est-ce que tu veux que je fasse avec ça? Veux-tu bien me dire qu'est-ce que je vais faire avec bordel de Dieu? Tabarnak de calice. Ben, j'ai dit, je comprends pourquoi je suis né au Québec. J'avais besoin d'une langue pour supporter ma vibration. Maud, c'est effrayant, sacré de même. C'est merveilleux. On commence à comprendre ce que c'est une conscience vibratoire. C'est ça. Tout le monde. Bordel de Dieu. Câlisse. Merde alors. Tabarnak, tu peux pas changer des formes avec ça. Tu peux pas créer une évolution de conscience. Tu peux pas détruire les tu peux pas détruire les formes qui sentent la conscience de la race. Fait que venez-vous au Québec. Il y en a un Français, il vient ici de temps en temps, là. Pourquoi est-ce qu'il vient ici? Il s'en vient chier du gaz. C'est sa façon de. Il vient ici de chercher du gaz. Je comprends. Câlisse. Il vient brûler des craintes. Je comprends pas que votre cœur me saute pour vous. Je m'en fume une cigarette. Ouais. C'est un bon pour moi, ça va. Pas bon pour vous autres, moi, c'est bon. Je suis allé voir mon médecin avant hier. J'ai dit, comment ça, mon idiot, au bout? Qu'est-ce que c'est pas ça, avec mes poches? Je crie assis. Tout le temps que c'est une sorte. Bon, madame. Pas de plus, mais tu sais, ça va loin. Parce qu'on est un grand peuple, tu sais. Il y a certainement plus de science au Québec que n'importe où sur la planète, tu sais. Mais seulement que. Faut qu'on fasse attention parce qu'on est vulnérable. On est vulnérable. À quoi? On est vulnérable à la comparaison. On n'a pas on est en train de se former une petite identité nationale. Là. Regarde ce que ça va marcher, ce que ça fait au niveau politique. Mais au niveau individuel, c'est difficile pour nous autres de se former une identité parce qu'on est un peuple privilégié. On n'a pas eu de guerre.